porte fermée, fenêtre ouverte. Nous vivons ainsi tous les deux. Et puis personne ne nous embête. On s'aime bien, on est heureux. Porte fermée, fenêtre ouverte. On pense à l'avenir souvent. Nous réaliserons peut-être un jour tous nos rêves d'enfant. Porte fermée, fenêtre ouverte, dans ce décor merveilleux. Toutes les choses ont vu naître nos premiers bonheurs d'amoureux. Fenêtre ouverte, le temps n'effacera jamais cet amour qui m'a fait connaître ce qu'au fond de moi j'espérais. Heureux.